avait sur une plage une fille qui pleurait. Je voyais sur son visage de grosses larmes qui coulaient. Laissons la plage aux romantiques. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Laissons la plage aux romantiques. Je veux t'aimer. Mon idée, cette plage au clair de lune était triste à pleurer. Elle était si loin la dune, comme le temps a passé. Laissons t'aimer à mon idée. Et mes mains sur son visage l'ont soudain consolé. Il restait la belle image d'une fille qui riait. Laissons la plage aux romantiques. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Laissons la plage aux romantiques. Allez, viens. Veux-tu m'épouser ?